الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors nous sommes arrêtés la dernière fois sur la définition du pluriel عالمين. Et nous avons dit que عالمون و عالمين est le pluriel de عالم. Mais عالمون désigne les hommes. Zelidjin, c'est-à-dire les êtres dotés de raison. Et au second degré, les animaux et les autres créatures. Mais en priorité, sont les hommes Zelidjin. Awalim, ce qui n'est pas le cas pour Awalim. Awalim, c'est quand on parle d'animaux ou de végétaux ou d'êtres qui ne sont pas dotés de raison. On utilise le pluriel Awalim. C'est comme le renne en français. Parmi les preuves dans le Coran que Alamoun désigne surtout les assujettis aux lois, dans la sourate Al-Furqan, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabarak alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Béni soit celui qui a fait descendre graduellement le Furqan c'est le Coran, le Furqan, le livre du discernement, sur son serviteur Muhammad, pour qu'ils avertissent les mondes. Mais les mondes ici, ce sont les hommes et les djinns. Et il a dit dans un autre verset, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour عالمين. Donc عالمين ici désigne les hommes et les djinns, puis les autres êtres, les animaux et les autres êtres. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ils dirent, le peuple de Lot, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur prophète Lot? Ils ont dit, أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. Nous t'avons-nous pas défendu de recevoir des alamines chez toi? Là, ils désignent par alamine les hommes, des étrangers. C'est-à-dire, nous ne t'avons-nous pas défendu de recevoir des étrangers chez toi? Par étrangers, ils ont dit alamin, ou lam nanhaka ani alamin. Donc l'emploi du pluriel alamin dans la sourate al-Fatiha est pertinent, puisque cette sourate parle du début à sa fin, elle parle des assujettis et de l'assujettissement aux lois. C'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous demandons aide. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'id. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin de rectitude. Et qui sont ces alamin? Ils sont les croyants, à savoir sirata al-ladina an'amta alayhim. Donc ça fait partie des alamin. An'amta, ce sont les croyants. Ils sont soit des croyants, soit des mécréants. Parmi les mécréants, il y a les réprouvés, ceux qui encourent la colère d'Allah, les al-mardoub alayhim, et les égarés d'Allin. Donc toutes les sortes d'assujettis, sont incluses dans ce verset-là. Et donc il est pertinent d'employer le pluriel alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Rahman. Rahman est construit sur le shem fa'lan. Vous savez qu'en langue arabe, le vocabulaire arabe, il est toujours dérivé, les noms sont toujours dérivés des racines. Ce sont des racines formées par des consonnes. Donc, le langage arabe, le vocabulaire arabe se base sur les racines. Les mots ont des racines. Et donc, la racine de Rahman, c'est A-Rahima. Rahman. Et donc, il est construit sur le shem fa'lan. Fa'lan. C'est un modèle, c'est une combinaison de cette racine-là. On ajoute an, ça donne un sens. Plus cette racine change, ça donne un sens particulier. Donc, Rahman, il est construit sur fa'lan. Puisque tous les verbes et les noms, ils ont une racine, un paradigme qui est fa'ala. Fa'ala. Donc, Rahman est construit sur le shem fa'lan. Fa'lan. La structure des noms et des verbes est très importante en langue arabe. Par exemple, le verbe kataba, il est construit sur le shem فعل كتب sur le شم فعل كتاب il est construit sur le شم فعال le verbe استنصر demander secours est construit sur le شم استفعل c'est ce qu'on appelle اوزان وزن le verbe انتصر triompher il est construit sur le شم انفعل donc il y a toujours cette notion cette question de racine donc فعلان j'ai le wazn de base, fa'ala, si j'ajoute, par exemple, si j'ajoute le waw et le ta sur fa'ala, ça devient fa'alout. Bon, fa'ala, à la fin, je mets le waw et le ta. Ça devient fa'alout. Et fa'alout, c'est quoi? Fa'alout est une forme intensive du nom qui lui correspond. Par exemple, le mulk, la royauté, le royaume, malakout, c'est un intensif, le grand royaume. Malakout. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض de même avons-nous fait à Ibrahim fait voir à Ibrahim le ملكوت des cieux et de la terre le grand ملكوت comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate l'an'am ملكوت جبروت on dit رحموت رحموت c'est la grande miséricorde رحمة et puis on ajoute le waw et le te de même رهب رهبوت la grande crainte طاغوت طاغوت c'est les construits sur Fa'alout, c'est le grand Torian. C'est le dépassement des limites de l'hostilité et la transgression extrême. Rahman vient de la Rahma, comme j'ai dit, la racine et Rahima. Rahman est construit sur le Shem Fa'alan. Et Fa'alan a une valeur intensive. Fa'alan, il implique l'arrivée de la chose qui correspond au nom, le renouvellement, tajdid de cette chose et le fait d'être rempli de cette chose. Et aussi le fait de se qualifier de cette chose au maximum. Comme par exemple, Radban. Radban, c'est colère. C'est en colère. Radban, c'est quelqu'un en colère. Alors Radban, c'est la survenue de la colère et le fait de s'emplir de colère. On dit Radib. Radib, c'est quelqu'un qui est en colère. Mais c'est dans un degré moins que celui de Radban. Radban, il est c'est quelqu'un qui est très en colère. Très en colère. Radban, parce qu'il est intensif. On a ajouté le alif et le nun. Un intensif. Une grande colère. Et Radban, fa'alan, toujours ça implique ce sens-là. C'est-à-dire, le renouvellement de la chose, le renouvellement de la radab, du radab, de la colère. La survenue, il n'était pas en colère puis il est devenu en colère. Et le fait de cette rempli de cette chose-là, là, concernant Radban, c'est la colère, de cette rempli de colère. Et comme dans la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَدْبَانَ أَسِفَا quand Moussa revint à son peuple, plein de colère et de consternation. Dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, empli de colère, était rempli de colère. À cause de quoi? Parce que son peuple a fait, son peuple a adoré le veau. Il a pris une divinité en dehors d'Allah. On dit Jaw'an. Jaw'an, c'est très fin. Ja'i', c'est moins. Ja'i', il a faim, mais Jaw'an, c'est il a très faim. Ça, c'est pour vous expliquer que la structure, le shem, ça influe sur le sens. Quand la structure change, le sens change. Quant à Rahim, Rahim, il est construit sur le wazn fa'il, le shem fa'il. Quand on dit fa'il, il exprime la stabilité et la stabilité de la chose, la stabilité de la qualité, thubut. On dit tawil, quelqu'un qui est de grande taille, c'est-à-dire, il est de grande taille, ça change pas, toujours de grande taille. Rahim, c'est une forme intensive de rahim. Donc rahim, c'est la stabilité. On dit khatib, qui est construit sur le shem fa'il, ça désigne aussi, ça implique aussi la stabilité. Khatib, c'est prêcheur. On ne qualifie pas de khatib quelqu'un qui a fait un seul discours. Mais khatib, c'est quelqu'un qui, d'habitude, fait des discours. De même, faqih, ça désigne la stabilité. Ça veut dire quelqu'un qui est vraiment un vrai juriste consultoire, quelqu'un qui a de profondes connaissances religieuses. On ne qualifie pas de faqih quelqu'un qui n'a connu que deux, trois questions juridiques ou qui n'a connu que quelques questions de religion. Non, faqih, c'est stabilité. Toujours, il y a toujours le fiqh. La même chose concernant Alim aussi. Donc, si Allah n'avait cité que le nom Rahman, ben certains Arabes auraient imaginé que cette qualité est passagère, comme la faim pour Jawan ou comme la colère pour Radban. C'est-à-dire, s'ils vont revenir au sens originel, à la structure de base, Fa'lan, Rahman, ça veut dire que sa miséricorde se renouvelle, mais ils vont dire, bon, cette qualité est passagère. Comme Radban, il était en colère et puis il n'est plus devenu en colère. Et si Allah n'avait mentionné que le nom Rahim, ben certains risqueraient de penser que cette qualité pourrait ne pas se manifester par un moment. Comme quand on dit de quelqu'un qui est Karim, généreux, cela ne veut pas dire qu'il fait sans cesse preuve de générosité. C'est juste une qualité qui prédomine chez lui. Bien sûr qu'on ne saurait faire de comparaison entre la créature et le créateur. Et que, bien sûr, Rahim et Rahman signifient tous les deux l'éternité de la miséricorde d'Allah, ça c'est sûr. Et que l'application de ces noms-là ne cesse jamais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a joints tous les deux dans cette sourate, et dans d'autres sourates d'ailleurs, pour nous montrer à nous les serviteurs qui sommes faibles, que sa miséricorde ne s'interrompt jamais et que ses effets se renouvellent et sont manifestes. Et sont manifestes. Certains savants ont dit que Rahman signifie que la miséricorde d'Allah est large. Mais même dans la structure, ça donne cette idée-là de la largesse. C'est-à-dire, ils disent Rahman, ça veut dire que sa miséricorde embrasse toutes les créatures. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand Allah parle de son établissement sur le trône, il emploie toujours le nom Rahman. Rahmanu ala l'arshi istawa dans sourate Taha. Le Rahman s'est établi sur le trône. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Dans sourate Furqan, الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est établi sur le trône qui? Ar-Rahman. Donc, ils emploient Ar-Rahman toujours. Le Coran, c'est toujours, quand il parle de l'istiwa sur le trône, il emploie le nom Ar-Rahman parce que la qualité, l'attribut Ar-Rahman, c'est, il embrasse toute chose de sa miséricorde. Et Rahman s'est établi sur le trône. Le trône embrasse toutes les créatures, puisque le trône est la plus grande de ces créatures. Rien que le kursi, qui est le siège, le piédestal d'Allah subhanahu wa ta'ala, et wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, comme Allah dit dans sourate al-kursi, dans le verset al-kursi qui se trouve dans sourate al-Baqara. Le piédestal, le kursi d'Allah, hein, il embrasse les cieux et la terre. Que dire alors du trône? Et Allah s'établit sur le trône, donc il convient qu'il emploie le nom Rahman. Rahim signifie pour certains savants que la miséricorde d'Allah touche les croyants. Dans le Coran, Rahman est toujours précédé de l'article Al. Il est défini. Toujours dans le Coran. Rahman est toujours défini. On dit toujours Ar-Rahman. Ça n'existe pas Ar-Rahman sans le Alif et le Lam. Ce qui n'est pas le cas de Rahim. Rahim, il est tantôt employé avec l'article, tantôt sans l'article. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Hein? غَفُورًا رَحِيمًا. Rahima, ici, il n'est pas précédé de l'article L. Rahman qualifie toujours Allah. Rahman, dans le Coran, qualifie toujours Allah. Alors que Rahim est aussi utilisé pour qualifier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans la sourate 9. Sourate Tawba, bil mu'minina raoufur rahim, envers les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Il est doux et miséricordieux. Donc, rahim peut être attribué à un être humain. On peut dire de quelqu'un, d'un homme généreux, un homme qui est miséricordieux, compatissant, on peut lui dire qu'il est rahim, ce qui n'est pas le cas de Rahman. Rahman est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Rahman, en plus, Rahman n'est jamais suivi d'un complément. On ne dit pas Rahman envers quelqu'un ou envers quelque chose, envers le monde. On ne dit pas, mais on dit Rahim envers, wa kana bil mu'minin rahima. Il était envers les croyants Rahim. Mais Rahman, on ne dit jamais Rahman dunya. Là, ça n'a pas de complément. Il n'est pas suivi d'un complément Rahman. Le qualificatif de Rahman a un sens plus fort que celui de Rahim. Il est même employé dans le Coran comme un substitut du nom d'Allah. قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنِ. Dit invoquer Allah ou bien invoquer le Rahman. Dans surat 17, surat Isra. Donc c'est presque la même chose. C'est pour ces raisons, wallahu a'lam, qu'Allah cite Ar-Rahman avant Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il a cité Ar-Rahman avant Ar-Rahim. J'ai dit précédemment que le Rab signifie le maître, le propriétaire, l'éducateur, le gérant. Cela signifie que c'est, bien sûr, Rab, puisqu'il est éducateur, puisqu'il est propriétaire. Cela signifie que c'est en vertu de sa miséricorde qu'il nous a créés, nous a élevés, a mis à notre service ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a dans le ciel, nous a éduqués, nous a guidés. C'est là une indication que tout homme, chargé d'un pouvoir, tout éducateur doit être miséricordieux envers les gens qui sont sous sa charge, sous son autorité. Ça, c'est un signe. Quand on dit Rab, Allah subhanahu wa ta'ala, éducateur, et il est Rahman, Rahim, donc ça, c'est un signe que nous devons, que quand on élève nos enfants, l'éducateur, le professeur, l'instituteur, ou le gouverneur doit être miséricordieux envers ses sujets. Rahman et Rahim, Maliki Yawm al-Din. Maliki Yawm al-Din. Roi du jour du din. Roi du jour de la rétribution. Il existe une autre lecture de ce verset. Maliki Yawm al-Din. Maliki Yawm al-Din. Maître du jour de la rétribution. Possesseur du jour de la rétribution. Les deux lectures sont valables. Les deux lectures ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik signifie possesseur. Détenteur, ça vient du tamalluk, la possession. Et Malik vient du moul qui signifie la royauté et le pouvoir. Le Malik, possesseur, peut être un roi, comme il ne peut ne pas l'être. Hein? Le Malik se charge de ce qu'il possède. S'il a des employés, il se charge de leur assurer la nourriture, les vêtements, le logement. Le Malik, c'est surtout la notion de justice. Le Malik, le roi, veille à gouverner de manière juste. Donc, les deux lectures ont été révélées pour montrer qu'Allah est en même temps le possesseur du monde, le maître, et en même temps leur roi, le roi du monde. Maliki Yawm al-Din. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné le monde d'ici-bas? Pourquoi il n'a pas dit Maliki Dunya wa Yawm al-Din? Pourquoi il n'a pas mentionné la dunya, le monde d'ici-bas? Hein? Pourquoi il n'a pas dit maître au roi du jour de la rétribution et du monde d'ici-bas? Il a déjà dit louange à Allah, seigneur des mondes. Donc, c'est-à-dire qu'il est le roi et le maître du monde d'ici-bas. Parce qu'il l'a déjà dit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, seigneur des mondes. C'est-à-dire qu'il est le maître du monde d'ici-bas. Il est donc le maître du jour de l'assujettissement aux lois, c'est-à-dire le monde d'ici-bas, et le maître du jour de jaza, de la rétribution. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit jour du din, que je traduis par rétribution, yawm al-din? Pourquoi il n'a pas dit jour de la résurrection, yawm al-qiyama? Din, dans le sens et la rétribution, il englobe tout. Il englobe la résurrection de son début à sa fin. Et englobe aussi la rétribution, la reddition des comptes, etc. Donc le nom din convient au terme alamin, monde. Il convient parce que alamin, comme j'ai dit, englobe essentiellement les êtres doués, dotés de raison. C'est-à-dire les assujettis. En disant qu'il est le roi du jour de la rétribution, et le maître du jour de la rétribution, cela signifie qu'il est le maître de tout ce qui se passera ce jour-là. Et de tous ceux qui seront ce jour-là. Et contemplez avec moi la belle correspondance entre la louange, Alhamd, et tous les attributs d'Allah cités dans cette sourate. Il y a une belle correspondance. Donc, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, il est loué pour son essence et ses attributs. D'accord? Le nom d'Allah, le nom Allah implique tous ses autres ses autres noms et attributs. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Seigneur du monde, il est loué, il est louangé pour sa rububiyya, pour sa seigneurialité. Et bien, il y a des rabs dont le sens est maître éducateur, il y a des rabs dont l'autorité n'est pas louable, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il est loué pour sa seigneurialité, pour sa rububiyya. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, il est loué pour sa miséricorde. Il est loué pour sa miséricorde. Il existe des gens qui sont miséricordieux, certes, mais il existe des gens qui sont miséricordieux, mais leur miséricorde n'est pas louable. Quand quelqu'un de miséricordieux, quand quelqu'un de compatissant, miséricordieux, place sa miséricorde dans un endroit qui ne lui convient pas, fait miséricorde dans une situation où il ne convient pas de le faire, il n'est pas louable pour sa miséricorde. Alors qu'Allah est loué pour sa miséricorde. Il est loué pour sa royauté, sa maîtrise du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin. La louange d'Allah est là, embrassée tous les temps, en toute éternité. Du verset louange à Allah, on comprend qu'Allah est loué avant que la création existe. Il est louangé avant que les louangeurs le louangent. Du verset Rabb al-Alamin, Rabb des mondes, Seigneur des mondes, on comprend qu'il est loué quand il a créé les mondes. Du verset jour de l'attribution, de la rétribution, Yawm al-Din, on comprend qu'il est loué le jour de la rétribution, qui ne connaîtra pas de fin, puisque les gens du paradis, ils demeureront éternellement, et les gens de l'enfer, ils demeureront éternellement. Le tout miséricordieux, le Rahman Rahim, il a été cité avant le maître du jour de la rétribution. Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Pourquoi? Pourquoi le tout miséricordieux, le très miséricordieux a été cité avant le maître du jour de la rétribution, le roi du jour de la rétribution? Parce qu'il dit rétribution, dit récompense. Bon, rétribution, les croyants auront le paradis, mais aussi châtiment. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le tout miséricordieux, le très miséricordieux, avant le maître du jour du jugement. Avant, parce que sa miséricorde devance sa colère. Parce que sa miséricorde vient avant, devance son châtiment. Le précède. Passons maintenant au verset « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Le complément est mis avant le verbe. C'est cette antéposition du complément et cette mise en relief introduisent une clause restrictive dont la fonction est de renforcer ce qui est mentionné et d'exclure ce qui ne l'est pas. Cela signifie que l'adoration ne doit être consacrée qu'à Allah. Allah seul mérite l'adoration. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi que nous demandons aide, de même que la demande de l'aide, elle ne doit être adressée qu'à Allah. D'accord? La demande de l'aide, elle ne doit être adressée qu'à Allah. Dans les choses dont Allah seul est capable, on ne doit demander de l'aide que de lui. Dans les choses dont les gens sont capables, on peut leur demander de l'aide, mais en ayant dans l'esprit, dans le cœur, que sans l'aide d'Allah, ces gens-là ne peuvent pas nous aider. C'est donc à Allah que nous demandons de l'aide avant et après toute chose. N'est-ce pas? Donc c'est ça le secret de cette antéposition. Pour vous rapprocher ce sens-là, écoutez bien ce verset. Rabbana, alayka tawakkalna, wa ilayka anabna, wa ilayka al-masir. Notre Seigneur, à toi nous nous en remettons, à toi nous revenons repentis, et vers toi la destination de tout. Cette invocation comporte une antéposition. Le complément, il est mis avant le verbe. Rabbana Alayka tawakkalna. À toi, nous nous en remettons. Et non pas, nous nous en remettons à toi. Non. Si on respecte l'ordre, on dit à toi, nous nous en remettons. Il y a en tes positions. Ça veut dire que nous nous en remettons à personne d'autre qu'à toi. C'est une clause restrictive. À toi, nous revenons repentis. Nous nous revenons repentis à personne d'autre qu'Allah. Et c'est pour ça qu'il y a inversion, c'est pour ça qu'il y a en tes positions. Wa ilayka anabna, et non pas wa anabna ilayk. C'est pas dit dans ce verset, wa anabna ilayk, mais wa ilayka anabna. À toi, nous revenons repentis. Wa ilayka al-masiru, et non pas wa al-masiru ilayk. Non, inversion. Wa ilayka al-masir, et vers toi la destination de tout. Parce que c'est vers Allah seul la fin de toute chose, l'aboutissement de toute chose. Il y a, comme j'ai dit, en tes positions, qui introduit hein, la clause restrictive. Méditez-moi, méditez avec moi ce verset-là. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. Je vais traduire. Je vais respecter la position des mots et des particules. Dis, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ. Il est le tout miséricordieux. آمَنَّا بِهِ. Nous croyons en lui. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا. Et à lui, nous nous en remettons. Nous croyons en lui. Amanna bihi. Wa alayhi tawakkalna. Et à lui, nous nous en remettons. Amanna bihi. Wa alayhi tawakkalna. Il n'a pas dit. Amanna bihi wa tawakkalna alayhi. Il n'a pas dit. Nous croyons en lui. Et nous nous en remettons à lui. Mais il a dit, nous croyons en lui, et à lui, nous nous en remettons. Pourquoi il n'y a pas antéposition du complément concernant la foi? Quand il a dit, nous croyons, non, pourquoi il n'y a pas inversion ici? Alors qu'il y a antéposition du complément concernant le tawakkul. Quand il dit, nous croyons, il n'a pas dit, à lui nous croyons. À lui, قل هو الرحمن به آمنا. Il n'a pas dit قل هو الرحمن به آمنا. Il a dit قل هو الرحمن آمنا به. Nous croyons en lui. Il n'y a pas antéposition, il n'y a pas inversion, il n'y a pas clause restrictive. La réponse, c'est parce que la foi, la croyance ne se limite pas à Allah. S'il a dit à lui nous croyons, ça veut dire que nous devons croire qu'en Allah. Alors, qu'on doit croire en Allah, certes, mais on doit croire aussi en ses envoyés, en ses livres, en ses gens, ses anges, en le jour dernier, en le destin, en la prédestination, au rêve, au djinn, etc. C'est pourquoi il n'y a pas de clause restrictive concernant la croyance. Amen. Bien, nous croyons en lui. Alors que le tawakkul ne faut s'en remettre qu'à Allah, à personne d'autre. À Allah. D'où le terme, à lui nous nous en remettions. Donc rien n'est laissé au hasard. Chaque mot dans le Coran a sa place, est à sa place. Il n'y a pas d'hiatus, chaque mot. Et pourquoi il a joint l'isti'ana à l'adoration? Pourquoi il y a les deux? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Pourquoi il les a mis toutes les deux? L'adoration et la demande de l'aide. Mais parce que l'homme ne peut pas accomplir un acte d'adoration, ou plutôt ne peut pas accomplir, adorer Allah sans l'aide d'Allah. Sans l'aide d'Allah et sans qu'Allah ne lui inspire, sans qu'Allah lui inspire de le faire. C'est un aveu du croyant de sa faiblesse, de son incapacité à accomplir un acte d'adoration sans l'aide d'Allah. Donc cette isti'ana est un remède contre quoi? Contre l'orgueil, hein, contre l'infatuation. C'est un remède contre, pour dire que voilà, c'est moi qui ai accompli cet acte d'adoration, c'est moi qui ai donné le monde. Non, sans l'aide d'Allah, tu ne feras rien du tout. Et d'où c'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a joint l'adoration, la demande de l'aide à l'adoration. Et pourquoi il a mentionné l'adoration avant la demande de l'aide? إياك نعبد وإياك نستعين. Pourquoi il n'a pas dit إياك نستعين وإياك نعبد؟ Pourquoi il n'a pas inversé? Pourquoi il a dit إياك نعبد juste après il a dit إياك نستعين؟ L'adoration, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les hommes et les djinns. C'est là le but de la création, c'est ça, c'est l'adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Zariyat. Donc l'isti'ana est un moyen d'accomplir l'adoration. Il convient donc de mettre l'adoration avant la demande de l'aide. Puisque l'objectif, c'est l'adoration. Et l'isti'ana est un moyen. En plus, l'adoration est un droit d'Allah, tandis que l'isti'ana, la demande de l'aide, pardon, est une de ces deux demandes. L'adoration est un droit d'Allah, c'est son droit. C'est le droit qu'il a sur nous, c'est de l'adorer. Tandis que l'isti'ana, la demande de l'aide, est une des demandes, de ces demandes. Et or, le droit passe avant la demande. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. Nous adorons, nous demandons aide. À la première, c'est à la première personne du pluriel. D'accord? Et en plus, il est dit que c'est toi. On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala directement. C'est à la deuxième personne du singulier. C'est toi que nous adorons. C'est à toi que nous demandons aide. C'est à toi que nous demandons aide. Pourquoi il n'a pas dit c'est toi que j'adore et c'est à toi que je demande aide? Pourquoi l'emploi de la première personne du pluriel, nous? C'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous demandons aide. Pourquoi il n'a pas employé le singulier, c'est toi que j'adore et c'est à toi que je demande aide? Parce que l'emploi de la première personne du pluriel, nous, ça indique quoi? Ça indique l'importance de la jama'a. Ça indique l'importance du groupe. Et que cette sourate doit être récitée dans la prière commune par tous les fidèles. Cela indique aussi que les croyants sont des frères. Si je dis c'est toi que j'adore, je ne pense pas aux autres. N'est-ce pas? Je ne pense pas à l'adoration des autres. Mais si je dis c'est toi que nous adorons, je joins mes frères croyants, je les joins à moi. N'est-ce pas? Remarquez une chose, la sourate commence par louange à Allah, le Rab des mondes, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi du jour de la rétribution. Les versets parlent à la troisième personne du singulier. Pour tout d'un coup, on passe à la deuxième personne du singulier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes, tout miséricordieux, très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons. Directement, il y a un changement de personne, ça devient c'est toi que nous, on passe de la première personne, de la troisième personne du singulier à la première personne, à la deuxième personne du singulier. C'est changement. Tout d'un coup, cette figure de rhétorique s'appelle l'iltifat. Là, on passe, iltifat, changement, détournement. Cet iltifat, il vise à quoi? Il vise dans cette sourate à susciter l'intérêt du lecteur ou de l'auditeur. Il attire son attention. Si on garde la même personne, louange à Allah, Seigneur des mondes, roi du jour de la rétribution, etc. Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi du jour de la rétribution, c'est lui que nous adorons. Si on garde la même personne, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous demandons aide, mais là, c'est toi que nous adorons. Ça veut dire, ça a changé. Il y a iltifat. Pourquoi il y a changement de personne? Parce que c'est plus fort de s'adresser directement à Allah quand il s'agit de l'adorer et de l'invoquer. N'est-ce pas? Quand il s'agit d'adorer Allah, il est plus pertinent, il est plus fort, plus fervent de s'adresser directement à lui. Donc, iltifat, c'est pour attirer l'attention de l'auditeur ou du lecteur, et aussi, c'est plus fort de, concernant ce verset-là, c'est toi que nous adorons, c'est plus fort que de dire c'est lui que nous adorons. C'est plus fort. En plus, les éloges sont plus fortes quand la personne louée est absente. Il est les éloges sont plus forts quand c'est utilisé à la troisième personne. Quand on dit louange à lui, c'est plus fort. En disant c'est lui que nous adorons, c'est moins fort et moins éloquent, comme j'ai dit, que de dire c'est toi que nous adorons. De même, c'est, en disant c'est à lui que nous demandons aide, c'est moins fort que de dire c'est à toi que nous demandons aide. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, il emploie le particule kaf. Iyaka, il n'en pas. Iyahu. Directement. À la deuxième personne du singulier. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie de rectitude. Ihdina s-sirata al-mustaqim. Ce verset est une invocation, n'est-ce pas? C'est une invocation. C'est le seul doua imposé aux musulmans. Il doit obligatoirement le dire plusieurs fois par jour dans la prière, parce que la prière est obligatoire. Cela prouve que l'homme ne peut pas se guider si Allah ne le guide pas. Si Allah abandonne les gens à eux-mêmes, chacun prendra un chemin à part, dévié, et ne trouvera pas le bon chemin. Guider et d'ailleurs c'est inspirer de suivre la bonne voie et la montrer. Donc le verbe guider hada peut être employé, le verbe guider hada peut être employé comme un transitif direct et aussi comme un transitif indirect. Comme vous le savez, le verbe transitif se construit avec le verbe avec un complément d'objet. Quand ce complément n'est pas introduit par une préposition comme le « a » avec accent et le « de », le verbe est appelé transitif direct. Exemple. Quand je dis par exemple « l'instituteur explique la leçon », ça, le verbe « expliquer » est un verbe transitif direct. C'est ce qu'on appelle en arabe « al-fi'l al-muta'addiyu bi-dhatih ». Et quand le complément est introduit par une préposition, le verbe est appelé transitif indirect. Exemple. Quand je dis « je vais au marché ».« Je vais au marché ». Le verbe « aller » est un transitif indirect. Parce qu'il y a la préposition « ou ». A-U. On l'appelle en arabe « al-muta'addi ».« Al-muta'addi biharfin ».« Al-muta'addi biharfin ». Bon, inchallah, la prochaine fois, je parlerai de la différence entre l'emploi du verbe guider hada en tant que transitif direct et son emploi en tant que transitif indirect. Ou la préposition est ila. Inchallah, je vais expliquer ça, inchallah. Subhanakallahum bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.